c'est étrange, n'est-ce pas, hein? C'est bien le morceau des Cures, mais ça ne sonne pas complètement comme des Cures, puisque, normal, c'est ce soir un spécial pop and rock version, c'est-à-dire un morceau, plusieurs interprétations. Et à l'instant, on a commencé avec Clan of Zimox, qui reprenait un morceau des Cures qui s'appelle A Forest. On va l'enchaîner avec l'original de Bob Smith et Simon Gallup, A Forest, The Cure. Thank you.

Just a kiss away, kiss away, kiss away. Jimmy Shelter, 1969, l'année érotique de Serge. Bah mais non, revenons à nos moutons, du moins, revenons à nos versions dans Pop and Rock. On vient d'écouter donc mon groupe fétiche, The Sisters of Mercy, qui en 92 reprend ce fabuleux morceau des Stones, Gimme Shelter. Et vous avez peut-être compris, déjà ? Eh ben on repart maintenant et on enchaîne avec l'original, 1969, les Stones, Gimme Shelter. special man. Then we were Ziggy's band. Ziggy really sang Screw the pies and screw down hairdo, like a cat from Japan. He could look on by smiling. He could leave on to hand. Des années 70. On retrouve parfois des reprises aussi bonnes que l'original, voire peut-être même meilleures. Enfin, ça, c'est très subjectif. Pour moi, c'était le cas avec tout à l'heure la reprise de Gimme Shelter par les Sisters, et c'est aussi le cas pour la reprise de Ziggy Stardust par Bauhaus en 82, 10 ans après l'original de David Bowie, qu'on écoute tout de suite. Ziggy Stardust. Ziggy played guitar, jamming good with Weird and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang Screw up eyes and screw down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling. He could leave 'em to hang. They came on so loaded, man. Well hung in snow white tan. The Nats with God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar. Que Nirvana sort un album acoustique, les Unplugged comme on disait à l'époque, sur lequel on trouve leurs morceaux propres, mais aussi cette reprise toujours de David Bowie, The Man Who Sold the World, un morceau original sorti dans l'album éponyme en 1970, David Bowie, The Man Who Sold the World. We passed up

all too cold to blame, a cruciform shame. Sunburn, freezer, burn, choking on the ashes of the enemy. In the sun, in the sun, I feel as one. In the sun, in the sun, buried, buried, married, yeah, yeah, yeah. Calé dans Pop and Rock, et on reste en Nirvana avec cette fois le morceau All Apologies, issu de l'album In Utero, sorti en 93. Et cette fois, on vient d'écouter un groupe labellisé Pop and Rock, c'est Aston Villa qui reprenait donc All Apologies dans une version acoustique. D'autres versions existent, hein. Sinead O'Connor a refait un morceau, a refait ce morceau, a repris ce morceau en 94, et le surprenant Herbie Hancock, le jazzman, reprend également All Apologies en 96. Mais nous, on repart avec l'original, Nirvana. Should I be? Oh. Qui reprend Red Right Hand de Nicky Hav and the Bad Seeds. Ce morceau, c'est le fil rouge de la bande originale de la série à voir absolument qui s'appelle Peaky Blinders. Vous trouvez ça en streaming sur un site où vous voulez, mais il faut absolument regarder cette série. Allez, on enchaîne donc avec l'original Nicky Hav and the Bad Seeds, Red Right Hand. Deep into the hole, heal your shrinking soul, but there